savoir où que j'aille. Tu vois bien qu'il faut que j'arrête de courir vers que aille. À courir dans la détresse, à ne plus savoir où que j'aille. Tu vois bien qu'il faut que j'arrête de courir vers que aille. Ha ha ha.